Vous écoutez Futur Simple et nous commençons aujourd'hui une nouvelle chronique mensuelle sur l'éthique en collaboration avec la Commission de l'éthique en sciences et en technologie. Je suis avec Madame Edith Delery, présidente de la commission, de cette commission. Bonjour Madame Delery. Bonjour Valérie, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir à chaque fois, sauf que là cette année on a donc convenu qu'on ferait une chronique mensuelle sur les sujets de sciences et de technologie qui soulèvent des enjeux éthique, mais peut-être pour commencer, on peut rappeler ce que c'est que cette commission de l'éthique en sciences et en technologie, ça vient d'où? La commission est un organisme consultatif, c'est un organisme du gouvernement du Québec qui est rattaché à la ministre de l'économie, de la science et de l'innovation. Donc son mandat et de conseiller la ministre et de façon plus globale, en fait, les membres du gouvernement sur les enjeux éthiques que soulève le développement des sciences et des technologies. C'est un mandat qui est très large, comme vous pouvez le constater, sciences techno. On a rendu des avis pour vous donner une idée de la panoplie, en fait, des sujets qu'on peut couvrir sur les OGM, les nanotechnologies, l'usage élargi des psychotropes, les nouvelles techniques de surveillance et de contrôle, la procréation assistée, le don d'organes. J'en passe là, donc ça vous montre un petit peu l'éventail là, des sujets qu'on peut couvrir. Là. C'est tous ces développements scientifiques qui nous interpellent. D'accord. Et aussi, pour bien commencer cette série de chroniques qu'on va poursuivre de mois en mois, j'aimerais ça qu'on commence par définir, en fait, pour qu'on définisse un petit peu ce qu'on entend par éthique, par rapport peut-être au mot moral, à la déontologie, et c'est des termes un peu qu'on peut confondre. Et finalement, en quoi l'éthique, de quelle manière l'éthique vient se mêler à la science et à la technologie? Vaste question, hein? Oui, c'est très large comme question. Écoutez, d'abord, en fait, le mot éthique, effectivement, aujourd'hui, est un peu, je dirais, utilisé pour qualifier des problèmes qui sont d'ordre déontologique, comme vous venez de le soulever. Bon, et puis il y avoir une confusion aussi avec la morale, c'est bien entendu. Et on parle d'éthique dans tous les secteurs, dans tous les domaines, et c'est vrai qu'elle est interpellée, j'y reviendrai tout à l'heure. Bon, ça me fait penser d'ailleurs à un ouvrage qui avait été publié dans les années 90, là, qui s'intitulait La valse des éthiques d'Alain Etchegoyen, pour vous montrer un petit peu comment l'éthique avait un peu surgi dans nos sociétés contemporaines. Écoutez, l'éthique est interpellée dans toutes les questions où il y a des valeurs qui sont en jeu et qui entrent en conflit. La morale interpelle notre conscience, elle fait appel effectivement comme l'éthique à des valeurs, c'est d'abord l'individu dans son âme et conscience qui est interpellé, et elle se rapporte aux valeurs dans le sens où elle est intransigeante. Bon. Définit le bien, le mal, le juste et l'injuste, mais c'est sous l'angle de l'impératif « tu dois ». C'est considéré comme la bonne manière de vivre pour la morale. D'accord, oui. Effectivement. Bon. Donc, elle énonce un « doit ». Donc, la morale n'est pas nécessairement utile pour orienter nos choix sociaux, compte tenu du fait qu'on vit dans des sociétés pluraliste aujourd'hui, et qu'on n'a pas tous les mêmes présupposés moraux. D'accord. Il y avait une confusion entre morale et éthique, effectivement, il y a quelques années, parce que effectivement, on vivait dans une société qui était homogène. Non, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc les questions se posent différemment. L'éthique, elle se questionne sur les valeurs. Elle recherche la manière dont des personnes qui n'ont pas toutes les mêmes présupposés moraux peuvent vivre ensemble, s'entendre sur ce qu'il convient de faire dans une situation particulière. Là, elle se distingue aussi de la déontologie qui renvoie un ensemble de normes qui doivent être respectées sous forme de sanctions. Qui en fait est propre à un groupe particulier. Quand on parle de déontologie, on pense souvent aux ordres professionnels. On peut penser aussi aux membres de la fonction publique, qui eux aussi sont soumis à un code de déontologie. Et souvent, les deux se confondent. En fait, le code la confusion, le code d'éthique est un code de déontologie dans les faits. Le code de déontologie découle de l'éthique qui elle-même... Le code de déontologie peut découler de l'éthique, mais il y a souvent une confusion On s'est doté d'un code d'éthique qui est en fait un code, de déontologie. Okay. C'est ça. Bon, donc ce code-là, on l'élabore selon les valeurs qu'on a au sein de l'entreprise. Les valeurs au sein de l'entreprise, au sein de la profession. Ouais. Bon, on pense bien sûr que ce soit les avocats, les notaires, les médecins, les infirmiers, les infirmières, les psychologues. Bon, et au sein des entreprises aussi, c'est la même chose. Ouais. Donc, donc c'est un corpus là dont on se dote en tant que groupe. Bon, pour pouvoir effectivement fonctionner. Bon. D'accord. Et ici encore, c'est impératif, c'est tu dois. Oui, c'est vrai. Hein, c'est comme vrai. La morale. Bon. D'accord. Mais là, c'est le groupe qui est interpellé. Ouais, d'accord. Bon. Alors que l'éthique ne consiste pas, elle, dans l'application de normes. Bon. C'est plutôt une réflexion sur ce qu'il convient de faire dans une situation où précisément les normes ne sont pas suffisantes. Bon, et là, on peut passer à l'aspect législatif ou réglementaire, bon, hein, pour guider nos choix. Bon, ou lorsque l'application des normes semble aujourd'hui dépassée. Bon. Donc, c'est une manière de répondre à un questionnement. Et nous, à la commission, on l'a défini un peu comme une réflexion argumentée en vue du bien agir. D'accord. C'est une réflexion argumentée dans le sens où elle est réflexive, donc elle oblige à un retour sur nous-mêmes. Ouais. Bon. Critique et rationnelle, c'est-à-dire qu'elle est fondée sur des arguments, c'est une méthode en quelque sorte. Bon. Donc ça veut dire qu'on prend certaines valeurs mais juste, on élabore cette réflexion en fonction de ces valeurs. Effectivement, en fait la valeur pour la commission, c'est ce qui gouverne l'action, c'est ce qui guide l'action. Okay. D'accord. Donc en fait quand on parle du bien agir, bon, c'est la finalité, c'est de guider l'action vers ce qui est acceptable. Okay, bon, dans des situations où différentes valeurs sont en conflit, parce qu'on va parler de problèmes éthiques, d'enjeux éthiques à partir du moment où il y a conflit de valeurs. Et où il est difficile de pouvoir satisfaire tout le monde. Bon. Dans certaines situations, mais on peut voir des zones grises aussi. L'éthique, bon, ça peut être aussi un positionnement dans une zone où le noir et le blanc, bon, deviennent gris et où le questionnement permet de trouver des teintes, bon, acceptables pour la société dans une situation particulière. Donc, c'est ni noir ni blanc, c'est gris, mais c'est une zone qui, pour le vivre ensemble, apparaît comme étant acceptable. Ouais. Bon. Et tout ça dans un contexte de sciences, de problèmes posés par le développement des sciences et technologies. Exactement. Donc, si je comprends bien, finalement, c'est une réflexion pour résoudre un conflit de valeurs, un conflit de valeurs qu'on peut avoir différentes personnes. Mais alors, comment on s'y prend pour résoudre un tel conflit? Et puis, peut-être, ce serait bien de l'illustrer en prenant un exemple concret issu des sciences et technologies. Oui, bah écoutez, effectivement, l'actualité nous en offre plusieurs, mais bon, on peut penser actuellement à tout ce qui touche l'exploration, l'exploitation et le transport des hydrocarbures, qui est une question d'actualité, là. C'est un sujet qui soulève de multiples enjeux et qui soulève aussi beaucoup de passion, comme vous le savez. Bon, par rapport à ça, ben effectivement, le premier constat qu'on ferait en tant que commission, si on avait à se pencher sur le sujet, c'est de constater effectivement la division qui peut exister au sein des citoyens. Bon, sur l'attitude à adopter face à la question des hydrocarbures. Bon, hein, alors ça aussi entre l'enthousiasme, la résignation et l'opposition vraiment franche là, farouche là. Bon. Des fois, c'est très polarisé. C'est très polarisé, effectivement. Ouais. Puis ça participe plus de l'idéologie dans certains cas que d'une réflexion, effectivement, qui peut aboutir, effectivement, à des solutions qui puissent satisfaire tout le monde. Bon. Alors, donc, il s'agit de comprendre, à ce moment-là, tous les faits qui sont pertinents pour se faire une idée de la question. La première chose, évidemment, c'est de savoir quel est l'état de la science. Parce qu'il peut y avoir des controverses scientifiques qui peuvent alimenter le débat, comme les conséquences exact de la fracturation hydraulique, par exemple, sur les nappes phréatiques. Oui. Ces controverses-là sont importantes pour comprendre la situation. Il faut qu'on puisse faire le point, qu'on voit effectivement, bon, du point de vue scientifique, ce qui en est. Bon. Mais il faut distinguer ce qui relève des faits, dont on va partir, et ce qui relève des valeurs, c'est-à-dire les faits qui interpellent un certain nombre de valeurs, et des valeurs qui entrent en conflit. Alors, nous, on va se concentrer sur les valeurs. Mais l'état des lieux dont je vous parlais précédemment, sur le plan scientifique, il est fondamental. Ensuite, on va déterminer quelles sont les valeurs qui motivent chacune des positions en présence, et on va chercher à faire un arbitrage. On va chercher à hiérarchiser. Bon, mais par exemple au niveau des valeurs, on voit qu'il peut y avoir plusieurs positions là. Bon, ceux qui dénoncent les risques, par exemple, pour l'environnement et la sécurité. Bon, l'environnement, la sécurité, ce sont des valeurs comme telles. Bon, donc pour eux, la sécurité, compte tenu du fait des risques que ça peut présenter pour l'approvisionnement en eau potable, par exemple, l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre, qui sont à la base des changements climatiques également. Bon, donc ce sont deux valeurs, protection de l'environnement et sécurité, qui fondent un petit peu leur position. Pour d'autres, effectivement, c'est des retombées économiques qui sont plus importantes. Les retombées économiques anticipées pour la population québécoise. Donc c'est la prospérité économique ici qui est la valeur. Donc là, on a deux valeurs, des gens qui regardent plus le côté environnement, l'atteinte d'une certaine sécurité par rapport à si on dégrade l'environnement, et d'autres, c'est plus la prospérité économique. C'est ça, exactement. Ouais. C'est sûr qu'il y a d'autres éléments qui peuvent être en considération, mais disons que c'est pour un peu illustrer là. Ouais. Les conflits de valeurs qui peuvent se présenter. Puis, il y a la troisième voie aussi, ceux qui jugent que, on devrait tendre vers une économie sans hydrocarbures, une économie plus écologique, mais que dans le contexte actuel, on n'a pas encore les moyens de se passer de pétrole. Alors, pour l'instant, pour eux, exploiter le pétrole et le gaz, de manière à générer des revenus pour faire la transition vers les énergies qui sont alternatives, c'est un mal nécessaire. En quelque sorte. C'est un compromis entre les valeurs de prospérité et la protection de l'environnement. Donc, on peut arriver en quelque sorte à un compromis. C'est évidemment un portrait bien rapide, comme je le disais. Le débat ne serait du pas une simple opposition entre économie et... C'est pas aussi simple que ça, quand même une idée, oui. Mais c'est de voir un petit peu quelles sont les options qui peuvent s'offrir à nous, les conséquences précises de chacune de ces options, et puis tendre effectivement à trouver une solution. Donc, c'est la délibération et la réflexion éthique qui vont nous permettre d'arriver peut-être à une solution, c'est-à-dire ici, c'est une manière de structurer notre réflexion face à un problème éthique. Elle repose sur une approche qui est collaborative. Les participants recherchent ensemble une solution à un problème. Il faut s'entendre sur les faits pertinents, il faut s'entendre sur les valeurs dans cette situation problématique, et il faut s'entendre aussi sur les critères qui vont permettre de favoriser une valeur plutôt qu'une autre lorsqu'il y a conflit entre ces valeurs. Donc c'est à partir de là qu'on va chercher à formuler des recommandations pour orienter l'action des personnes qui sont concernées dans cette situation et des organismes qui vont être concernés, des ministères, comme vous le voyez. Donc, dans ces cas-là, la façon dont on fonctionne, on forme un comité d'experts, un comité de pilotage, qui vont être invités à réfléchir sur la problématique, qui vont enrichir aussi nos connaissances au niveau scientifique. Donc, il faut faire un état des lieux scientifique. Un état des lieux, on va partir de là. OK, bon. Et donc, faire ressortir les options possibles, les conséquences de ces options. À partir de là, les membres de la commission vont pouvoir se forger leur propre opinion et émettre des recommandations. Ouais. Donc là, chacun, on fait un état, si on résume, là, si on reprend, donc on fait un état des lieux, des faits scientifiques, qu'est-ce qu'on a comme l'état des connaissances. Quels sont les enjeux? Les enjeux et les valeurs qui sont mises en cause, là, qui sont atteintes. Exactement. Et après, on essaie de faire une réflexion pour prioriser l'une ou l'autre de ces... Pour résoudre le conflit entre ces valeurs-là. C'est sûr qu'on n'évacue pas toutes les valeurs. Si on priorise une valeur, il reste qu'on va essayer de préserver quand même les valeurs qui, effectivement, entrent en conflit avec celles qu'on a privilégiées. Mais il va falloir qu'on trouve des solutions. Mais c'est une approche dialogique. Avec donc des gens des différents milieux de différentes disciplines parce que c'est sûr que les physiciens, les chimistes, les biologistes peuvent être interpellés et d'autres encore, vous avez les psychologues, les sociologues il y a toute une panoplie effectivement de disciplines qui peuvent être convoquées là prenez l'usage abusif des psychotropes, et là effectivement les psychologues peuvent avoir un, son son mot à dire, pourquoi les gens effectivement recherchent effectivement tentent aussi souvent avoir recours à des psychotropes, indépendamment des maladies bien sûr mentales. Bon, le sociologue qui peut aussi avoir son mot à dire par rapport à cette question là. Le pharmacien, et puis l'économiste. Vous voyez qui peut être interpellé dans une situation particulière. Sûr que par rapport à notre problématique ici, les économistes aussi seraient conviés, mais tout ce qui concerne l'environnement, la protection de la faune, de la flore serait interpellé aussi, bien évidemment. Donc là, le comité fait sa réflexion, émet un avis avec des recommandations. Que deviennent ces recommandations? On formule des recommandations, mais pas toujours. Mm-hmm. On fait des mises en garde. On fait des mises en garde parce que précisément, il y a peut-être des éléments à propos desquels il y a encore un flou. Et ce qui est important à retenir, c'est qu'on essaie de nous travailler en amont des développements technologiques. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on accompagne. Et ce qu'on cherche à faire le plus souvent, c'est d'encadrer ce développement, de faire en sorte qu'il ne se développe pas tous azimuts, sans prendre en compte les risques qui peuvent comporter par rapport à la santé, par rapport à l'environnement, etc. Et de faire en sorte que on puisse en quelque sorte cheminer au fur et à mesure que les développements scientifiques et technologiques croissent, se développent. D'accord. Donc ça, c'est une partie de vos activités à la commission, de réfléchir sur des problématiques quand même assez globales. Mais vous avez aussi une autre activité parmi les multiples activités, vous écrivez aussi des éthiques hebdo. Donc chaque semaine. Donc de quoi s'agit-il? L'idée c'est la commission a aussi un mandat de susciter des débats, de sensibiliser le public à tous les enjeux éthiques que soulève le développement technoscientifique. Donc l'éthique hebdo c'est un moyen de remplir ce volet-là de la mission de la commission. Alors ce sont des petites chroniques comme des entrées sur des blogs qui sont très accessibles, y a une dimension vulgarisation derrière qui est très importante, parfois même humoristique. La dernière c'était trois ADN et un couffin. Ah oui. En référence à un certain film. Oui, voilà, effectivement. Et on aborde l'actualité en sciences et en technologie sous l'angle de l'éthique pour montrer que derrière ce qui fait la manchette, il y a des enjeux effectivement et des très grandes questions qui se posent et qu'il est important de se poser aussi et sur lesquels il est important de s'arrêter. Mmh. C'est une manière de voir l'actualité un peu autrement. C'est vrai que le titre peut paraître accrocheur, mais il dit bien effectivement quels sont les enjeux qui sont derrière. C'est ça, parce que ça faisait référence à un bébé qui était né avec trois sources d'ADN. C'est ça. Oui. Donc ça veut dire que chaque semaine, vous rebondissez comme ça sur une actualité scientifique qui peut soulever un enjeu éthique. Éthique, effectivement. Et vous en profitez pour dire, il y a quelque chose là qui se passe, il ne faut pas y réfléchir. Oui, exactement. Puis dire, on montre un peu quels sont les enjeux puis quelles sont les valeurs qui sont en cause. Ah oui. On ne se prononce pas. Oui. Mais on essaie effectivement d'analyser la problématique, de voir, quels sont les enjeux et quelles sont les valeurs qui sont interpellées. Pour que les gens aussi puissent s'y arrêter, y réfléchir, se forger aussi leur propre opinion. Ouais. Et on les trouve où, ces éthiques? C'est sur le site de la commission, sur le Facebook le site Facebook de la commission. Donc là, on a parlé. On vous invite à visiter notre site d'ailleurs, et on vous invite à aller les consulter. C'est www.éthique.gouv.qc.ca, et puis vous allez sur notre site Facebook, vous avez le lien avec Facebook. C'est ça. Donc là, est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça parce que finalement, d'un autre côté, ça peut. Ça montre que les enjeux éthiques peuvent être soulevés assez souvent quand même dans l'actualité technoscientifique. Oui, c'est pas juste de temps en temps une petite nouvelle scientifique qui va. Non, on a parlé précédemment du cas de l'ertralipsen, qui est un médicament qui a été homologué par la FDA récemment, alors que le comité de l'AFD n'était pas d'accord pour approuver ce médicament-là. C'est pour une maladie extrêmement rare, la dystrophie du chêne, là, bon, mais qui montre aussi les difficultés qu'on peut avoir dans certains cas pour des maladies très rares, pour lesquelles, évidemment, on ne peut pas faire des essais cliniques comme on les fait habituellement, compte tenu du nombre d'individus qui en sont atteints. C'est des maladies pour lesquelles il n'y a pas de traitement. C'est des maladies qui sont très invalidantes. En général, vers 12 ans, ils sont alités, ils sont plus capables de se mouvoir, etc. Les personnes qui en sont atteintes, espérance de vie d'à peu près 40 ans, mais qui démontrent que dans certains cas, pour pouvoir effectivement, ça met en cause le principe de bienfaisance par rapport aux individus qui en sont atteints. Ça implique aussi des coûts, donc il faut regarder quel est le rapport coût-bénéfice par rapport à ce qu'on peut atteindre pour ces individus-là, parce que c'est des médicaments qui en général coûtent très cher, mais qui tendent aussi à démontrer que dans certaines situations, si on veut effectivement pouvoir progresser et effectivement faire en sorte que des individus peuvent avoir accès à des médicaments, il faut parfois que les balises soient différentes de celles qu'on utilise habituellement. Et permettre effectivement que des essais se réalisent. On peut penser, à ce qui s'est passé pour le sida. Donc ça, c'est un autre exemple. J'imagine qu'il y en a, donc il y en a qui sortent toutes les semaines de des exemples. Pour terminer aussi, on peut glisser un mot sur l'avis que vous êtes sur le point de faire paraître. Parler, ça sera une autre chronique. Ça va être très différent parce que là, en fait, dans le domaine de l'économie, le domaine de l'économie, là, on s'intéresse aux algorithmes qui vont être utilisés par les traders dans le domaine de la finance. Donc, qui peuvent avoir effectivement des fortes incidences sur les marchés boursiers et qui peuvent créer des situations de crise sur le plan économique. Alors c'est une pratique qui est plus courante chez nos voisins du Sud, mais sur laquelle on s'est penché parce qu'effectivement on y a pensé après la crise de 2008. Ça finit par déteindre chez nous aussi, mais je ne vous en dirai pas plus parce qu'on va vous réserver le punch. Exactement, mais c'était juste pour donner une idée de la diversité des sujets en sciences et en technologie qui pouvaient soulever des enjeux éthiques, des problèmes de médecine, mais aussi des problèmes de finances. Oui, parce que souvent on pense au domaine de la santé, mais il y a d'autres problèmes qui peuvent se soulever. Logique transversale comme les nanotechnologies. C'est très transversal. Ça couvre tous les domaines. D'accord. Donc, effectivement, on va garder le punch peut-être pour la prochaine fois, pour votre venue en novembre, peut-être. Oui, parce qu'en fait, on devrait pouvoir lancer la ville à la fin du mois d'octobre. Ça pourrait être une chronique. D'accord. Alors, je vous remercie beaucoup, Madame Delery. Donc, je rappelle que Madame Delery est présidente de la commission de l'éthique en sciences et en technologie. Merci beaucoup pour tout ce débroussaillage de ce qu'est l'éthique en sciences et en technologie. Merci beaucoup de votre accueil. En tout cas, c'est un petit peu rapide, mais j'espère que ça a permis d'apporter un éclairage. Probablement. Quant à nous, on fait maintenant une petite pause publicitaire sur CKRL au 89.1 et au retour, on vous parle des dinosaures.